chuchotement dans un haut-parleur. Cours et cours, elle t'a dans son viseur. Elle parle déjà de toi, la rumeur. Je suis l'enfant soleil, Anne-Marie David. Il est arrivé du nord, et moi j'étais une enfant soleil. Il a dit des mots plus forts et plus doux que le coton du ciel. Il a partagé le pain et mon père lui a donné un lit. Tu commenceras demain près du chêne gris. Je n'ai pas rêvé de lui, je ne dormais pas étendu au pied du chêne gris. Je guettais son pas et tout un hiver brûlant. Comme un recommencement, comme une prière. Il était un homme neige, et moi j'étais une enfant soleil. Le printemps sur son manège déroulait pour nous ses arcs-en-ciel. S'il avait voulu partir, je n'aurais même pas su pleurer. J'aurais gardé le sourire qu'il m'avait donné. Une enfant soleil. Il avait ses mains dehors et sur son dos le coton du ciel. Il a partagé le pain et mon père lui a donné un lit. Ce jour-là me paraît loin, près du chêne gris. Je suis l'enfant. place à la sélection du jour. Une première chanson de Maxime Le Forestier, de son vrai nom Bruno Le Forestier. Ce dernier a obtenu cette année une victoire de la musique d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Auteur, compositeur et interprète qui composa notamment pour Julien Clerc, il obtint un brillant succès en 1988 avec « Né quelque part ». Écrite et composée par Le Forestier en collaboration avec Jean-Pierre Saba dans le contexte de la loi Pasqua et de la montée du Front National en France, cette chanson est l'occasion d'écouter la participation d'une chanteuse sud-africaine réfugiée politique au rap. Né quelque part, Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Basse-cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Avec une autre chanson liée à Maxime Le Forestier. Une chanson plus méconnue. Il s'agit d'une chanson interprétée par Vladimir Vysotsky, né en 1938 d'un père biélo, russo, ukrainien et d'une mère russe. Ce poète musicien se maria avec l'actrice française Marina Vladi. C'est grâce à ce mariage qu'il put sortir de l'URSS.

sauf que tu n'y étais pas. Comment est ta peine, Benjamin Biolay ? Peu, on le croyait éternel. Après avoir connu bien des déboires, Charles Aznavour était incontestablement devenu un des chanteurs français le plus connu au niveau international. La particularité de son œuvre musicale, c'est qu'elle fut souvent reprise, ou plus exactement samplée, par différents artistes ou des groupes de rap. On peut même dire qu'Aznavour était sans doute un des artistes de variété française le plus apprécié des rappeurs français.

pour les rencontres, des quais de gare pour les regards et des trains bleus pour les adieux. Encore du temps, sinon autant, le temps qui reste, autant de gestes, autant de mots, j'en sais de beau. Des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, des téléphones, le cœur qui sort. Dis-le-moi, chante-le-moi, écris-le-moi, crie-le-moi, fais-le-moi. La vie est une maison où l'on courait enfant, les portes ferment mal et parfois on a mal. À travers les cloisons, la mémoire se défend. Il suffit d'un visage, d'une photo passée. On pense à tant d'images et je sais, on partage tous nos jouets cassés. Mais ce n'est pas assez. Encore, encore, encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore. Encore quelqu'un, encore je t'aime, encore une main à la fenêtre, encore je t'aime au bas d'une lettre, des quais de gare pour les regards et des trains bleus pour les adieux. Encore des montres pour les rencontres, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, les téléphones, le cœur qui sort. Encore du temps, sinon autant, le temps qui reste, autant de gestes, autant de mots, j'en sais de peau. Encore des montres pour les rencontres, encore une main à la fenêtre, encore je t'aime au bas de lettres, des rendez-vous, des chiens et loups, encore des larmes et des alarmes, des téléphones, le cœur qui sonne. Encore, encore, encore l'amour, j'en veux encore, j'y crois encore, j'en ai encore, j'en donne encore, encore, encore, encore. Lui aussi nous a quittés il y a peu. Grand compositeur, Michel Legrand était l'auteur de cette chanson très connue, Les Moulins de mon cœur. On vous passe une version récente des années 2010 où il chante avec Nathalie Dessay. Les Moulins de mon cœur, Michel Legrand et Nathalie Dessay. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les âmes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin que font sans cesse les âmes, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable s'efface déjà. Je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.

un chagrin d'amour. C'est un bateau qui part sans larguer ses amarres. Un chagrin d'amour. Une sansonite oubliée sur le quai d'une gare. Un chagrin d'amour. C'est comme ton maquillage le matin au réveil. C'est une paire de Ray-Ban alors qu'il n'y a plus de soleil. Un chagrin d'amour. C'est comme une grève de métro quand tu restes sur le quai. Un chagrin d'amour. C'est une boîte de nuit sans son disque jockey. Un chagrin d'amour. C'est une Golf GTI qui n'aurait plus qu'une vitesse. Une station de ski sans neige et sans tire-fesse. Mais un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien que l'amour. Un chagrin d'amour, putain que ça fait mal. Un chagrin d'amour. C'est comme si Roméo n'aimait plus Virginie. Un chagrin d'amour. Comme si l'équipe de Marseille n'avait plus Bernard Tapie. Un chagrin d'amour. C'est un sapin de Noël sans guirlande et sans boule. C'est un Papa Noël sans sa hotte et ses boules. C'est comme la mer sans les vagues. C'est comme les vagues sans l'écume. C'est comme l'écume sans le sel, c'est comme le sel sans le poivre. Un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien que l'amour. Un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien que l'amour. Un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien. Ouja Connette, la chanson française est pleine de surprises. À l'image de ce titre de Francis Lalanne, dans un style inattendu, le zouk. La vie sans vous, Francis Lalanne. Qui sait, peut-être je n'ai pas de cœur. Juste un tout petit bruit qui me fait peur. La nuit, dans le silence entre les heures. Cette vie qui n'est plus la vie. Ce temps qui passe et qui m'oublie. Cette chaleur qui me tient froid. La vie sans toi. Sans vous, c'est magie. La vie sans vous, c'est pas joli. La vie sans vous, c'est qu'on l'applique, qu'à tomber, qu'à salir. La vie sans vous, c'est pas la vie. La vie sans vous, j'en ai aucun vie. La vie sans vous, va pas au paradis. La vie sans nous, quand je la vis. La vie sans nous, c'est pas la vie. C'est comme un jour qui devient gris. La vie sans nous, c'est comme un cri, comme un enfer sans paradis, comme la pluie qui tombe après la pluie. Car la vie c'est pas ça, sans toi ce n'est pas moi. La vie c'est pas moi, sans toi. Non, la vie c'est pas ça, sans toi ce n'est pas. Vivant moins, avant vie moins, que toujours la même léopard. Même si l'amour a moins fini, tiens-moi ce qu'on l'applique. Où tu es, je suis, où tu n'es pas. Je ne suis plus mes propres pas. La vie la nuit, la vie le jour, sans nous c'est pas l'amour. Car la vie c'est pas ça, sans toi ce n'est pas moi. La vie c'est pas. yo sole ki kalete Doudou an mwen Y se yon bago la men la Chéri an mwen Toujou se yon ki gou ki la Ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 55 consacrée à la chanson française de tous les temps. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir accompagnés. Vous pouvez liker notre page Facebook et retrouver les podcasts de nos émissions en vous rendant sur le site de Radio Fadjet. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et branchés à l'écoute de Patchwork et des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Tout de suite, nous retrouvons Thierry pour son émission Discothèque Classique. Et comme le disait mon papy... À dimanche prochain, 10h. Oh, et un mot. Au revoir, et surtout, portez-vous bien.